Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Entre science et passion, il est des sujets qu'il est de bon ton de ne pas évoquer. Parallèlement, les sciences de l'homme et de la société ont leurs dogmes. S'y attaquer s'avère nullement de bon ton. Parmi les mails des auditeurs du Salon Noir, l'un d'eux m'a quelque peu étonné. À quand un Salon Noir sur les Indo-Européens ? Entre Cossina du Mésil ou Benveniste, pour découvrir les racines de notre mythologie, comme le long cheminement des idéologies, voici, cher auditeur, votre émission. L'actualité s'y prête d'ailleurs, puisque la nouvelle vague des linguistes comparés et spécialistes des steppes, les paléostépologues, viennent de créer une revue d'études indo-européennes, WECWOS, que, parallèlement, un ouvrage de référence, une œuvre, un opéra composé de mouvements, 739 pages sur papier bible, voit aujourd'hui le jour. Un pavé, un parpaing dans la mare au fervent du peuple originel, publié à la librairie du XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Pour partir à la recherche des Indo-Européens, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Archéologue, professeur à l'Université de Paris 1 et de l'Institut universitaire de France, ancien président de l'INRAP. Jean-Paul Demoule, vous travaillez beaucoup sur le rôle social de l'archéologie, ses constructions idéologiques et depuis plus de 20 ans sur le problème indo-européen. Après, on a retrouvé l'histoire de France, votre dernier livre, mais où sont passés les Indo-Européens s'avère à nouveau une œuvre militante, iconoclaste. Jean-Paul Demoule, commençons par quelques gammes radiophoniques. Ricky Rix Rex, roi Raja, intègre peut-être aussi Ran et Ratoun au féminin singulier. Il en va d'ailleurs de même de la vocalise Voca, Voctram, Vox, Vec, Vox, dont l'origine ne peut être que cette nouvelle revue indo-européenne, WECWOS. Jean-Paul Demoule, ai-je tout compris ? Ce que vous avez compris, c'est qu'effectivement, il existe entre une grande partie des langues de l'Europe et de l'Asie occidentale et centrale, Inde compris, qu'il existe des ressemblances. Et que c'est à partir de ces ressemblances entre ces mots, et en allant un peu plus loin entre un certain nombre de traits grammaticaux, qu'est née cette idée d'une famille de langues, des langues indo-européennes. Tout cela, c'est de la paléontologie comparatiste, de la linguistique comparée. Au XIXe siècle, ça s'est appelé la grammaire comparée, essentiellement des langues indo-européennes. Et c'est de la grammaire comparée des langues indo-européennes qui est née au début du XXe siècle, la linguistique moderne, mais qui s'en est peu à peu détachée. Alors que la grammaire comparée des langues indo-européennes elle-même est restée adepte de méthodes et de modèles beaucoup plus traditionnels. Meillet disait que ce sont des correspondances entre des langues historiquement attestées. C'est bien ça ? Les indo-européanistes ont souvent un double langage. Ils disent à la fois que c'est un problème purement linguistique et qui ne doit pas sortir de la linguistique et qui sont effectivement ces correspondances entre mots. Comme vous l'avez dit, avec des phénomènes d'évolution dans les voyelles, dans les phonèmes, qui sont un principe régulier, mais pas toujours complètement. Mais par ailleurs, ils vont souvent, et souvent le même auteur, se lâcher à un autre moment en disant « Oui, mais puisque langue il y a forcément eu locuteur, donc finalement peuple originel ». Alors, de fait, on croise plusieurs éléments. D'un côté, on croise la linguistique, mais on peut croiser aussi la biologie, voire même l'archéologie. Oui, bien sûr, il faut croiser tout ça, puisqu'on part de la linguistique, mais si on croit qu'il y a eu effectivement un peuple originel, il faut bien en retrouver quelque part les traces. Et d'ailleurs, la dernière pointe serait la paléogénétique, la recherche de l'ADN. Oui, on est, quand on a voulu caractériser aussi physiquement les Indo-Européens, on est passé par la raciologie au XIXe siècle avec des débats féroces entre les Allemands qui les voyaient grands, blonds et dolichocéphales et les Français comme Paul Broca qui les voyaient moins grands, bruns et brachycéphales. Et puis là, l'anthropologie physique s'est effondrée progressivement d'elle-même et le relais a été pris à partir des années 80 avec la génétique qui donne des résultats tout à fait satisfaisants, mais à condition d'utiliser des modèles un peu sophistiqués. Et souvent, c'est les mêmes modèles traditionnels et rustiques de la raciologie du 19e siècle qu'on va retrouver dans l'ADN. Et je pense néanmoins personnellement qu'on a beaucoup à attendre de l'ADN, mais il faut justement attendre un peu plus d'avoir et plus de données et des raisonnements plus complexes. Alors, puisque je le citais, élève de Saussure, c'est Antoine Meillet, qui fut en France le maître incontesté de la grammaire comparée indo-européenne. Oui, pendant tout, il est mort en 1936. C'est lui qui était professeur au Collège de France. Et ça sera son élève, Émile Benveniste, qui lui succédera. Le mythologue Georges Dumézil est aussi un de ses élèves, mais toujours un peu tenu à l'écart. Mais c'est lui qui va faire qu'on passe d'une science qui est allemande, pour des raisons propres à l'histoire de la nation allemande, une science qui est allemande au 19e siècle, une science qui va être beaucoup plus large, qui va migrer à Paris, à Genève, à Prague, à Copenhague au 20e siècle. Alors remontons dans le temps, Jean-Paul de Moule, dès 1686, le Suédois Andrés Jäger pose l'hypothèse de la parenté des langues, mais il ne s'agit là que d'un chercheur parmi d'autres. Dès la Renaissance, quand on commence à travailler un peu l'érudition, on remarque, et même encore avant au Moyen-Âge, on remarque qu'il y a des ressemblances entre un certain nombre de langues. Mais aller plus loin est bloqué par le modèle biblique qui suppose une langue unique et donc qui devrait normalement être l'hébreu. Dieu a dû s'adresser en hébreu à Moïse. Et le mythe de la tour de Babel est que les langues vont ensuite se disperser. Mais on va essayer d'expliquer pendant longtemps ces ressemblances par l'hébreu. Et à partir du moment où peu à peu le modèle biblique va perdre en crédibilité, au cours du XVIIIe siècle, on cherche dans d'autres voies, d'autres possibilités. Donc ça fait à peu près 4 siècles que les chercheurs travaillent sur les Indo-Européens. Cette idée-là d'une ressemblance entre ces langues qui supposent des parentés, qui supposent un arbre, a au moins 4 siècles. Qui sera l'inventeur de cette découverte dont vous dites qu'elle fut à répétition ? Eh bien, la thèse officielle actuellement qui a été imposée par l'historiographie anglo-saxonne est que ce serait un magistrat anglais de Calcutta, William Jones, qui en 1796 prononce une conférence sur les hindous. À un moment, il dit il y a beaucoup de ressemblances entre les langues germaniques, latin, grec et sanskrit, parce que c'est le moment où on commence à travailler, à traduire le sanskrit, etc. Et donc, elles proviennent sans doute d'une source commune, dit-il. Donc, tout le monde reprend indéfiniment et recite. Et en général, on oublie de lire la conférence jusqu'au bout, parce que ensuite, il s'élargit, il dit finalement, après tout, on pourrait aussi comparer les monuments des Péruviens avec ceux des Étrusques, et puis les Égyptiens, et puis etc. Et il y a dû y avoir une grande race partant d'une région centrale, dit-il. Donc on oublie que c'est un comparatiste qu'on pourrait classer de nos jours un peu comme un fou scientifique. Et c'est ça qu'on va répéter indéfiniment, régulièrement. Mais on a eu un érudit français, un brave jésuite nommé Cordoue, qui lui, 20 ans avant, avait écrit humblement à l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour dire « mais quand même, il y a beaucoup de ressemblances ». Et on a balayé ça en disant « bah oui, ça doit dater les ressemblances entre le grec et le sanskrit ». C'est-à-dire que l'Indien ancien, ça doit dater des conquêtes d'Alexandre. Et puis, c'est que bien plus tard qu'on a, avec un peu de remords, l'Académie a publié la lettre du malheureux Cordoue. Entre Inde, Germanie et pays nordiques, où pourrait se trouver le berceau premier de cette langue ? C'est la grande question. Comme on cherche, ce qui a permis d'élargir les recherches, c'est à partir du moment où on découvre les Occidentaux découvrent le sanskrit, parce que le sanskrit, il n'avait pas besoin qu'on le découvre, hein, mais il existait tout seul. Mais à partir du moment où on le découvre, l'Inde va être une espèce de contrée mythique pour les pré-romantiques. Les romantiques, notamment allemands, une espèce de, on y reviendra, j'imagine, une espèce de mythe de rechange à l'histoire biblique. Et donc, on se situe d'abord en Inde, puis le sanskrit paraît relativement ancien, il a encore beaucoup de déclinaisons, etc. Et puis quand même, petit à petit, si on regarde l'historiographie, on va ramener le foyer, au fur et à mesure, plus on connaît l'Inde, plus on déchante un peu, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup bien différent. Le ramener vers les steppes de l'Asie centrale, puis vers les steppes à la fin du 19e, on est plutôt dans les steppes européennes, l'Ukraine actuelle, au nord de la mer Noire, puis l'Europe centrale, et puis finalement, on arrive au point terminal de cette science qui, comme je disais, est d'abord allemande au 19e siècle, qui est le nord de l'Allemagne et la Scandinavie. Donc un berceau à roulettes, bien sûr. Oui, on pourrait l'appeler comme ça, c'est ce que je propose. Le plateau anatolien et la mer Noire sont aujourd'hui les zones qui suscitent le plus les faveurs des chercheurs comme Colin Renfrew. Oui, parce que pour trouver le foyer originel, il y a deux conditions. Il faut mettre en évidence une migration. Donc c'est l'archéologie qui peut le faire, des objets, même type d'objets, les plus anciens dans une région donnée, et puis dont on va suivre la dispersion progressivement dans tout l'espace. Petit 1, petit 2, il faut prouver que ce mouvement est bien d'Européens. Alors dans les thèses les plus en faveur à l'heure actuelle, celle de l'anglais Colin Renfrew consiste à prendre une des rares migrations incontestées qui est... partant du Proche-Orient, les agriculteurs, donc les populations qui inventent le néolithique, vers moins 10 000, moins 9 000, créant un boom démographique et se dispersant se déversant dans différentes directions, notamment en Europe. Donc ce mouvement-là est incontesté, mais il faut prouver que ces Indo-Européens, sachant que c'est une population de petits agriculteurs très peu différenciés et très peu belliqueux, ce qui ne correspond pas à l'image traditionnelle. Donc l'autre théorie qui était présentée notamment par l'archéologue lituano-américaine Maria Gimbutas dans les années 70 et repris par ses disciples comme James Mallory en Irlande ou David Anthony aux États-Unis consiste à dire l'archéologie moderne nous permet maintenant dans les années 70, 80, 90 d'identifier des mouvements de population partant des steppes au nord de la mer Noire et partant dans toutes les directions. Le problème, à peu près à quelle époque ? Vers aux alentours entre 4500 et 3500 avant notre ère, suivant les théories. Le problème, c'est que cette découverte nouvelle, fruit de la science moderne, Émile Benveniste la propose déjà dans les années 30, que c'est déjà l'hypothèse du linguiste Otto Schrader à la fin du 19e siècle, qui voit qu'il y a peu de noms communs d'arbres dans les différentes langues indo-européennes. Donc ça veut dire qu'ils viennent d'un endroit où il n'y a pas d'arbres. Donc où il n'y a pas d'arbres, c'est les steppes. Et ça pose quand même des problèmes. Par exemple, il y a un terme commun pour l'ours qui n'existe pas dans les steppes. Donc on dira qu'il devait y avoir des ours, etc. Et le problème, toujours, c'est que cette nouvelle découverte d'Otto Schrader à la fin du 19e, c'est déjà ce que disait Leibniz au début du XVIIIe siècle, encore 200 ans avant. Il disait déjà que ces mouvements, ces ressemblances devaient venir des steppes au nord de la mer Noire. Pourquoi ? Parce que on reste en Europe, mais on ne sait pas d'où ça vient. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Jean-Paul de Moule, vous rentrez à l'instant du Japon. Exception à la règle, cet archipel n'a rien d'indo-européen. En principe, non. C'est les langues. Le Japon appartient, le japonais très proche du coréen appartient à un groupe très différent, des langues dites agglutinantes. Néanmoins, un des élèves du mythologue Georges Dumézil avait montré de manière assez convaincante, et en tout cas reconnue par son maître Georges Dumézil, qu'un certain nombre d'éléments de la mythologie japonaise, son organisation, les objets sacrés du couronnement rentraient dans le schéma du mésilien qui divise la société, la vision du monde en trois fonctions principales, l'autorité, la guerre et le travail. Et donc ça pose évidemment un problème. Dumézil suggère que ça a dû être des emprunts, et donc à partir du moment où où on peut emprunter n'importe quoi, ça évidemment fragilise d'autant plus le modèle que symétriquement des religions de peuples parlant des langues vraiment indo-européennes rentrent pas très bien dans le modèle trifonctionnel de Dumézil. Une langue originelle ne peut appartenir qu'à un seul peuple, forcément premier. Oui, ça c'est toujours l'idée de la recherche des origines, c'est toujours le modèle de la tour de Babel, où à partir d'une langue unique, les choses vont se disperser. C'est le modèle de l'arbre généalogique, ou de l'arbre tout court, qui est spontanément souvent considéré comme le seul modèle pour se représenter l'évolution des choses, mais malheureusement, heureusement, c'est loin d'être le seul. Vous critiquez tout à fait ce modèle en arbre. Vous pensez que des modèles en réseau seraient peut-être plus pertinents ? Oui, c'est ce qui se passe dans d'autres domaines de la linguistique, dans des champs de la linguistique beaucoup plus modernes, ce qu'on appelle la linguistique arayale. Et ce n'est pas non plus une totale innovation, puisque ces interactions centripètes et pas centrifuges entre langues avaient été proposées par l'allemand Johannes Schmidt des années 1870, repris en grand par le grand linguiste russe Nikolai Troubetskoy dans les années 30, et qu'il y a des champs entiers de la linguistique où on travaille de cette manière-là. Donc le modèle du point unique et de l'arbre est sûrement le plus traditionnel et le plus pauvre. Si nous partons plutôt du postulat que cette langue s'est propagée, c'est qu'il y a eu diffusionnisme, donc des migrations, peut-être même à cheval, car l'indo-européen est souvent imaginé comme un cavalier. On pense alors aux Celtes et aux invasions du Moyen-Âge. Parce que les invasions du Moyen-Âge, en fait, sont le modèle implicite des représentations des Indo-Européens. On constate qu'il y a partout des langues indo-européennes, que ça a dû partir d'un point unique, donc, et qu'en plus, ça a eu du succès. Donc forcément, c'était des combattants, des guerriers animés par un esprit de conquête. Le problème, c'est que justement, cette diffusion, là, je parlais tout à l'heure de la théoriste, où on est bien loin de pouvoir les suivre un mouvement de diffusion général depuis les fameuses steppes ukrainiennes et russes. Ça suppose, comme on ne voit pas vraiment de diffusion, donc on va dire que c'est des petits groupes de cavaliers conquérants, parce que les conquérants sont forcément à cheval. Alors certes, il y a un mot commun, le mot qu'on a dans Equos, dans l'équitation, Hippos, etc., pour le cheval, mais il y a aussi des mots communs pour l'ours ou pour le loup. Donc on va être un peu dans un cercle vicieux pour essayer de démontrer cette idée de peuple forcément conquérant. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous sommes avec Jean-Paul de Moule, archéologue, professeur à l'Université de Paris 1, l'Institut universitaire de France, à la recherche ou dans les pas des premiers Indo-Européens. Les Indo-Européens sont à l'Eurasie ce que les Bantous pourraient être à l'Afrique. Une langue, une migration ? On a effectivement un champ de recherche qui ressemble assez et qu'on trouverait sans doute aussi avec les langues austronésiennes et la colonisation d'une grande partie du Pacifique. Mais dans ce dernier cas, je pense que c'est le seul cas où il y a à peu près accord, justement, parce qu'avant que les migrations polynésiennes arrivent, il n'y avait rien avant. Donc là, il n'y a pas de doute et on peut assez bien les suivre archéologiquement. Pour les Bantous, c'est déjà plus compliqué parce qu'effectivement, il y a un mouvement global. Mais on n'utilise pas que l'arbre, on utilise aussi des modèles de centripètes de réseaux pour une partie de la linguistique bantou. Et pour les langues indo-européennes, je pense que c'est encore plus complexe. Centrons-nous sur le pays ayant eu le plus grand nombre de spécialistes, l'Allemagne. Avec les indo-européens, non les indo-germains, nous voici dans l'exaltation du passé germanique. Oui, parce qu'en allemand, indo-européen se dit indo-german, donc indo-germain, et on parle toujours d'indo-germanistique dans les universités allemandes. Pourquoi est-ce que c'est d'abord une science allemande au XIXe siècle? Parce que la langue, à l'époque où l'ensemble des Allemands est dispersé entre l'Empire autrichien, le Royaume de Prusse, celui de Bavière et beaucoup de principautés, ce qui fait qu'on est allemand, et c'est à partir du XVIIIe siècle, début XIXe, avec la Révolution et le Romantisme, naît l'idée de nation, de nationalité. Ce qui fait qu'on est allemand, c'est la langue. Français, il y a un territoire en plus. Allemand, il y a que la langue. Et donc, ça va intéresser trois générations successives de chercheurs, et ça va être une science allemande qui va effectivement bénéficier de l'érudition allemande. Il nous faut alors parler de Cossina, l'idéologue, voire de Hans Günther. Eh bien, à la fin du XIXe siècle, effectivement, où jusque-là, ça a été une science relativement froide, si j'ose dire, le rapatriement du berceau supposé indo-européen va se faire vers l'Allemagne, et c'est le moment où le nationalisme, qui au début est plutôt progressiste, au début du XIXe siècle, c'est la libération contre les rois et les tyrans, devient progressivement une idéologie réactionnaire à la fin du XIXe siècle, et on va voir effectivement des savants ou demi-savants ou pas savants du tout, ou idéologues en Allemagne qui vont s'emparer de ce modèle pour dire les vrais indo-européens, c'était les Germains, c'est eux qui ont gardé les traditions les plus pures, et c'est cela que nous avons à sauver du métissage. Nous voici devant l'affirmation d'une continuité raciale, bien sûr, au travers de la race nordique qui débouche tout droit sur les plus monstruosités de l'histoire. En France, nous avons eu aussi l'homo européen de Vacher de la Vigne. De la Pouge. De la Pouge, exact. Mais durant ces âges sombres, il nous faut aussi évoquer peut-être l'anthropologue Georges Montandon, car, disons-le, la science en France a été aussi coupable. Oui, deux mots peut-être. Elle n'a pas été autant que l'Allemagne, dans la mesure où les raciologues français n'ont pas pu mettre leurs idées réellement en acte, contrairement à l'Allemagne. Et il y avait aussi des raciologues anglais qui auraient pu faire la même chose s'ils avaient eu l'occasion. Mais en France, effectivement, on a toute une tradition. Montandon délivrait des certificats d'arianité qui faisaient qu'on allait ou non en camp, etc. Les années 70 sont un autre temps fort pour les Indo-Européens, repris par des courants ariens et païens, notamment en France. Oui, ce qu'on a appelé la nouvelle droite, qui apparaît à la fin des années 60, avec le mouvement dit le Grèce, la revue dite Nouvelle École et éléments, et qui vont jouer un rôle relativement important et pour lesquels, idéologiquement, pour lesquels les Indo-Européens vont être une des pièces maîtresses. Et par exemple, les deux que sèche sur les Indo-Européens, qui ne sont plus réédités maintenant, se réfèrent à la fois à la raciologie nazie et émanent de ce courant de pensée. Nous parlions tout à l'heure de Georges Dumézil. Curieusement, Dumézil semble avoir douté de sa recherche. Et si nous avions une construction hors du réel? Georges Dumézil était un savant considérable, avec une immense érudition. Et en même temps, c'était un homme complexe qui a changé plusieurs fois sa vision du monde, tantôt franc-maçon, tantôt catholique, tantôt agnostique, tantôt proche de l'Action française, etc. Et donc, il est très complexe et c'est quelquefois un peu à tiroir où il suppose que finalement, peut-être qu'il s'est peut-être complètement trompé et que ce qu'il a écrit, c'est des romans, mais que ça reste quand même une œuvre considérable. Jean-Paul de Meule, vous, en tant qu'archéologue, vous avez rencontré tout jeune, en 1967, Georges Dumézil, alors que les archéologues étaient ses pires ennemis. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. On n'a eu qu'une seule conversation. J'étais au milieu de mes études d'archéologie. J'ai été allé le voir. Je lui ai dit que je voulais être archéologue. Et il m'a répondu, mais il était par ailleurs très gentil. Mais il m'a dit, oui, effectivement, mes pires ennemis ont été les archéologues. Il pensait à Carcopino, Pigagnol, etc. À partir de quelques vieux tessons céramiques, quel peut être l'apport de l'archéologie à cette construction indo-européenne, Jean-Paul de Meule? C'est l'idée de voir si on peut ou non voir la dispersion de toute une culture matérielle depuis un point donné de l'Eurasie et dans les différentes directions, et qu'on les suive pas à pas jusqu'à aboutir aux peuples qui, eux, sont historiquement attestés parlant des langues indo-européennes, les trois plus anciens étant les Grecs mycéniens, les Hittites de Turquie et les textes védiques donc, de l'Inde ancienne vers moins 1500. Est-ce que ça marche ? J'essaie de montrer de manière relativement argumentée et en donnant toutes les références bibliographiques pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'essaie de montrer que pour l'instant, non. Et si tout cela n'était que la construction d'un mythe fondateur, un mythe indo-européen, païen, forcément contre la Bible ? Oui, parce que les Européens de tradition chrétienne sont dans une situation schizophrénique. Tous les peuples ont un mythe d'origine. Le mythe d'origine donc explique la création du monde et l'apparition du peuple en question. Le mythe d'origine des Européens, c'est la Bible, la création du monde, etc. Mais qui est porteur de la Bible et écrit transcrit la Bible, etc. C'est les Juifs. Et les Juifs sont au milieu de l'Europe, en communauté dispersée, et c'est les boucs émissaires. À chaque fois qu'il y a un problème, les pestes, etc., ou qu'on manque d'argent, on massacre les Juifs. Donc c'est une situation complètement inédite sur l'ensemble de la Terre. Et c'est pour ça qu'on voit émerger au XVIIIe siècle, et y compris chez des esprits éclairés comme Voltaire ou les encyclopédistes, l'idée que finalement, puisqu'on s'acheminait vers cette idée de l'origine des langues et d'arbres, eh bien, c'est peut-être pas du côté des Juifs qu'il faut aller chercher, mais ailleurs, et donc l'Inde qu'on est en train de découvrir et qui paraît complètement mythique. Et d'ailleurs, dit Voltaire, le dieu Brahma, c'est la même racine que Abraham, donc en fait, tout ça vient d'Inde. Où sont passés les Indo-Européens? Disons-le, les Indo-Européens sont un artefact, un objet extérieur hors du réel? Je pense qu'il y a des choses qui viendront toujours, qui sont ces ressemblances linguistiques, mais qu'on a interprétées selon des modèles beaucoup plus complexes. Le fait que l'Europe est le cul-de-sac de l'Asie, qui a eu ces mélanges pendant des millénaires, tout ça veut dire quelque chose, ces ressemblances linguistiques. L'archéologie ne cesse d'apporter des éléments nouveaux. Donc, je suis plutôt positiviste et optimiste. Je pense qu'on résoudra un jour complètement la question, mais selon des modèles beaucoup plus complexes et beaucoup moins suspects idéologiquement que ceux qu'on a eus jusqu'à présent. À lire donc, Jean-Paul de Meule, obligatoirement ce livre érudit qui s'avère être une enquête au cœur même de la recherche et des idéologies, un polar des sciences humaines et de la société, mais où sont passés les Indo-Européens, publié à la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil. La semaine prochaine, mon invité sera un journaliste se penchant sur l'archéologie, Stéphane Foucard, des pages Sciences du Monde, qui nous parlera de la guerre de Troie. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.